Chapitre 18e, la folle. Le faux docteur et Fanny avaient échangé un rapide coup d'œil qui échappa à Baccarat, au moment où le premier quittait la chambre à coucher. Ce coup d'œil rendit à Fanny toute son audace. « Madame veut que je l'habille, » dit-elle. « Oui, et sur le champ, » ordonna Baccarat. Fanny courba le front en servante de cils qu'elle était. Fanny essuya une larme et entra dans le cabinet de toilette, tandis que Baccarat jetait un peignoir sur ses épaules nues et tordait derrière sa tête les longues et épaisses boucles de sa chevelure en faisant les réflexions suivantes. « Il est impossible pourtant que je sois folle, tout à fait impossible. Il me semble que je jouis de toute ma raison. Cette impudente drôlesse a beau me dire que j'ai rêvé, cela n'est pas, cela ne peut être, et il est hors de doute pour moi que Fernand était bien ici ce matin, là, dans ce lit, que je le contemplais durant son sommeil et que... » Baccarat s'arrêta brusquement dans ses réflexions mentales et se frappa le front. « Je vais bien savoir, dit-elle, si je suis folle et si je rêvais. » Et elle courut au lit, que Fanny n'avait pas pris la peine de refaire pour y coucher sa maîtresse. « Fernand, dit-elle, réalité ou rêve, avait un médaillon suspendu au cou. Et je lui ôtai ce médaillon durant son sommeil. Je l'ai ouvert, il contenait des cheveux de femme. J'ai eu un moment de colère et de jalousie en pensant que c'était là ses cheveux, à elle. » Et j'ai coupé avec mes dents le cordon de soie qu'il avait au cou, puis j'ai glissé le médaillon sous le traversin du lit. En parlant ainsi, Baccarat hésita et se prit à trembler. « Si le médaillon n'y est pas, » dit-elle d'une voix où perçait une affreuse anxiété, « c'est que tout cela n'aura été qu'un rêve et que je serai folle. » Elle plongea sa main sous le traversin, chercha, et jeta un cri étouffé et si faible que Fanny, toujours occupée dans le cabinet de toilette, ne l'entendit pas. « Je le tiens. » murmura-t-elle. En effet, le bras et la main de la jeune femme, un moment ensevelis sous le traversin, reparurent tenant le médaillon. Ce médaillon renfermait bien des cheveux châtain clair, et le cordon auquel il adhérait était coupé et semblait porter encore la trace des dents de Baccarat. Pendant un moment, la courtisane, tremblante et pâle d'émotion, s'appuya au lit pour ne point tomber, tant la joie qu'elle éprouva fut immense. Elle n'était donc pas folle. Puis à cette joie, succéda un mouvement de fureur subite. « J'étais roulé, » pensa-t-elle, « je me vengerai. » Puis elle songea à Fernand. À Fernand accusé de vol, arrêté et jeté en prison sans doute, tandis qu'elle se lamentait et s'évanouissait. Et alors sa fureur tomba comme sa joie s'était envolée. « Ah, » pensa-t-elle, « tout cela vient l'œuvre de Williams. Cet homme a quelque but ténébreux que j'ignore. Il s'est servi de moi comme d'un instrument, mais je serai forte, je le déjouerai. Et je sauverai mon Fernand. » Et Baccarat, subissant alors cette magique et mystérieuse influence du dévouement qui rend les femmes si fortes à de certaines heures, Baccarat se domina complètement tout à coup, dissimula son trouble et sa pâleur, dompta son émotion et cacha soigneusement le médaillon dans la poche de son peignoir, où elle fit disparaître en même temps, et comme s'il eût obéi à un pressentiment, le joli poignard à manche ciselée qui avait mis en fuite le prétendu médecin. « À nous deux, sœur Williams, » se dit-elle, devenant tout à coup souple, docile et prudente comme un serpent. « On me nomme la Baccarat. » Fanny sortit du cabinet de toilette. « Si madame veut venir, » dit-elle. « Oui, ma petite, » répondit Baccarat d'un ton caressant, « et je vois bien maintenant que tu ne me trompais pas, que j'ai bien réellement rêvé. »« Ah, » dit Fanny, « madame pouvait-elle croire ?» Et la soubrette pensait tout bas. « Tiens, mais voilà qu'elle devient véritablement folle. » « Ainsi, tu es bien sûr, » continua Baccarat, « que j'ai eu le délire ?»« Oh, très sûr !»« Je le crois volontiers, » murmura la courtisane en soupirant. « C'est cet amour que j'ai au cœur qui m'aura tourné la tête et mise en cet état. L'extrême désir de voir, de posséder Fernand, m'aura fait croire qu'il était ici. »« Madame dit vrai, » hasarda Fanny. Baccarat soupira avec tristesse et songe à celui qu'elle aimait si ardemment et qu'on accusait d'un crime monstrueux. Comme si, à ses yeux, l'homme qu'elle avait aimé sans le connaître pouvait être coupable. La courtisane eût peut-être manqué de présence d'esprit et de courage s'il se fût agi d'elle seule. Mais Fernand, son Fernand bien-aimé, était persécuté, emprisonné, frappé dans l'ombre par un ennemi implacable. C'en était assez pour faire tomber la colère superbe d'une femme habituée à dominer et à être reine par la beauté et pour la rendre prudente et cauteleuse. Allons, dit-elle à Fanny. « Dépêche-toi, ma fille, il fait un temps magnifique, un vrai soleil de printemps. Où va madame? Puisque je suis malade, je vais chez mon médecin. Mais il sort d'ici. Ah, fit Baccarat en riant. Merci de celui-là, il me déplaît. D'abord, il est jaune comme un coin. J'ai horreur du jaune. Et puis à propos, pourquoi n'as-tu pas envoyé chercher le docteur Bertrand, mon ami celui-là, et un vrai savant? Il était absent quand madame s'est trouvée mal, et comme il y avait précisément dans la même maison un autre médecin. Comment? S'écria Baccarat en riant. Deux médecins dans la même maison? Mais on doit y mourir comme des mouches alors. Ce doit être une nécropole, cette maison-là. Il jeta sur ses épaules un grand châle anglais rayé, comme les plaides des montagnards chantées par Walter Scott. Viens, dit-il à Fanny, puisque je suis souffrante, il est tout naturel que j'emmène avec moi ma femme de chambre. Et Baccarat se disait à part elle. Tu feras bien, ma petite, de jaser un peu en route et de me dire la vérité, car je vais te conduire chez le préfet de police, à qui tu pourras donner des renseignements exacts sur ma folie. Baccarat aurait pu être prétentieuse en parlant aussi aisément du préfet de police. Mais la vérité était qu'elle le connaissait assez intimement pour compter sur son intervention et sa bienveillance dans un cas urgent. Monsieur Do, l'amant de Baccarat, avait dans les premiers temps de sa liaison avec elle donné des fêtes chez elle, fêtes auxquelles il avait invité le monde masculin le plus élégant, et Baccarat en avait profité pour se créer de sérieuses et utiles relations. Avec sa promptitude d'intelligence et sa sagacité ordinaire, la pécheresse avait vaguement entrevu et deviné tout un vaste plan ténébreux ourdi par Williams contre Fernand Rocher et contre elle. Dans quel intérêt, dans quel but, elle l'ignorait encore. Et comme l'imagination, dans ses éclats ordinaires, atteint toujours, quand elle ne les dépasse pas, les limites du possible, Baccarat soupçonnait le baronnet capable de tous les crimes. Il prit la résolution de s'en ouvrir au préfet de police. Dut-elle avouer son fol amour et sa coupable action? Fanny avait pris l'attitude indifférente des gens sans défiance. Baccarat sortit la première, traversa la salle et le vestibule qui précédait la chambre à coucher, puis le jardin, à l'gré duquel son coupé l'attendait. Fanny la suivait. Baccarat ouvrit la portière, puis au moment de monter en voiture, elle parut s'apercevoir qu'elle avait oublié son manchon, et elle envoyait Fanny le chercher. Tandis que celle-ci obéissait, après avoir échangé un regard rapide avec le rocher, Baccarat dit à ce dernier « Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Jean ?»« C'est jeudi, madame. »« C'est bien hier, n'est-ce pas, que nous sommes allés rue Saint-Louis ?»« Oui, madame. » »« L'affirmerais-tu devant un commissaire de police ?»« Oui, madame. » »« Très bien. » fit Baccarat montant dans le coupé. Fanny revint et s'installa près d'elle. « Au pont neuf !» ordonna la pécheresse, en réservant d'indiquer ultérieurement au cocher la préfecture de police. Le coupé s'ébranla et gagna la rue Blanche. Mais un égout en réparation obstruait la rue Bourseau et le cocher, tournant à gauche comme s'il eût dû prendre la cité Gaillard pour éviter l'obstacle, gagna rapidement la barrière blanche. « Que fais-tu donc, imbécile ?» lui cria Baccarat en baissant vivement une des glaces du coupé. « Est-ce donc là le chemin du Pont-Neuf ?» Mais au même instant, une des portières s'ouvrit et le petit homme jaune et chauve, qui tout à l'heure jouait le rôle de médecin, et qui cachait deux pas de la rue Moncey, avait suivi le coupé en courant, le petit homme, disons-nous, s'élança dans la voiture avec l'agilité d'un chat, referma la portière et se trouva assis auprès de Baccarat, qui poussa un cri d'effroi. « En vérité, madame, dit-il froidement, un médecin manquerait à tous ses devoirs s'il laissait courir son malade dans l'état où vous êtes. Vous avez un transport au cerveau et vous devenez folle incurable. » Et tandis que le faux docteur prononçait ces mots d'un ton moqueur, le coupé avait franchi la barrière et courait sur le boulevard extérieur. « Où me conduisez-vous donc ?» s'écria Baccarat, qui comprit que son cocher était, comme Fanny, vendu à Williams. « À Montmartre !» répondit le petit homme, qui baissa prudemment toutes les glaces du coupé et dit à Baccarat. « N'ouvrez rien, madame, le grand air vous est nuisible. N'appelez pas au secours, rien n'est dangereux comme de se mettre en colère dans votre situation. » Et le faux docteur, par un geste rapide, déboutonna son habit, et retire de sa poche un poignard à manche de nacre, dont il appuya tranquillement la pointe sur le sein de la jeune femme. « Ce jouet, dit-il, est pour les fous furieux, et il a le merveilleux avantage de ne faire aucun bruit dans l'exercice de ses fonctions. » Baccarat, elle aussi, avait pris un poignard, mais elle avait manqué de présence d'esprit en faisant pour usage sur le champ. Elle comprit que sa résistance pour lui coûtait la vie, et elle lui assez de prudence et de sang-froid pour ne faire aucun mouvement qui put trahir chez elle la possession de cette arme. « C'est bien, docteur, dit-elle avec calme. Je vois que je suis folle et je vous obéis. Où me conduisez-vous » Je vous l'ai dit, madame, à Montmartre. Chez qui ? Chez le docteur Blanche, répondit froidement l'homme de Sir Williams.